Vas-y. C'est fou, ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On reçoit François Pruneau pour la campagne Rendez-vous de l'énergie. Et on parle avec Alexandre Gauthier du comité de solidarité Trois-Rivières à assemblage requis. Vois-tu ce signe-là? Tu le vois-tu? Lequel? Lequel? Je te le dirai pas. Je fais des signes. Des signes méchants. Bon matin, Monsieur Plante. Bon matin, oui. Formule de politesse ici, à la place de se chicaner en ondes. On va dire bonjour aux requins. On passe, on est mercredi. On est le 3 novembre 2010, 7h13. Oui, c'est François Olivier Marchand. Et c'est Mathieu Plante. Et on t'en dirait des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. Et comme le dirait si bien Danny Janvier, on est le nombril de la semaine. Oh, c'est vrai. C'est le jour où on se vide la mousse. On se vide la mousse, oui, tout à fait, mais la c'était plus... d'après moi, tu l'as vraiment pas compris, Mathieu. Non. Mais c'est parce que c'est le jour, la journée, oui, qui est dans le milieu de la semaine. Ah, c'est ça l'affaire, parce que moi, c'était vraiment mon horaire, et comme défini, c'est le mercredi que je vais être ma mousse de nombril. C'était déjà comme ça, avant même. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais. Sacré Mathieu Plante. Je t'en donne tout le temps une portion. Le jeudi matin. Bon. Aujourd'hui, à Assemblage requis, on a un plan chargé comme toujours, hein, mais particulièrement rempli de communautés et d'invités. De communautaires, exactement. Et c'est des gens qu'on ne reçoit pas d'habitude, donc des invités spéciaux. Ben, Alexandre Gauthier, qu'on a déjà reçu ici à l'émission. Ça doit faire quoi, trois semaines peut-être? À peu près, oui. C'était un mercredi aussi, si je me souviens bien. Ça se pourrait très bien. Cette semaine, aujourd'hui, en fait, aux alentours de 8h moins quart, on va recevoir François Pruneau, qui va venir nous parler de la campagne Rendez-vous de l'énergie. Donc, il va nous expliquer un peu c'est quoi, c'est où, ça sert à quoi, blablabla, blablabla. Bla, bla. Ça va être plus intéressant que des blablabla. Ah oui, tout à fait. Tu parlais d'Alexandre Gauthier, on le reçoit encore cette semaine. On va parler du comité de solidarité Trois-Rivières. Il va nous parler de qu'est-ce qu'ils font en ce moment. Exact. Tu sais, pourquoi pas. On va avoir une chronique « C'est un fait ». Avec plein de choses bien intéressantes à savoir. On a aussi un poste d'écoute. On va entendre l'album de Hooded Fang. Hooded Fang. Hooded Fang Album. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Hell yeah. Des blocs, il était deux fois. Et c'est d'ailleurs... Two times. Hey, mais attends un peu, Mathieu. Vas-y. Je vais t'oublier aussi. Continue. Vas-y. Non, vas-y. Qu'est-ce que... Parfait, ça. Vas-y. Vas-y. Beau petit mot. Ah, oui. Non, mais aujourd'hui aussi, on continue dans la lignée des appels pour sensibiliser des hommes à la part de la moustache. Oui, c'est le Movember en ce moment, jusqu'au 3 décembre. Hein? Oui. T'iras pas jusque-là, je le sais, mais en théorie, c'est jusque-là. Mais en fait, c'est pas. C'est tout le mois de novembre. Oui. Donc pourquoi le 3? Parce que ça finit un vendredi. Ah ouais? Oui. OK. C'est ce qu'on m'a dit. Ben, nous, en fait, on va finir ça le 2. OK. Parce que le vendredi, on n'a pas d'émission. C'est ça, parce qu'on va être jeudi. Et c'est ça. Exactement. Oui. On va finir ça en direct avec vous. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de spécial ce jour-là? Il va falloir s'intéliser pour le savoir. Je sais pas. Écoute, on pourrait se raser. Si même en style. Live à radio, ça va être écœurant, ça. Ça va faire mal. Oui, c'est ça. Pas d'eau, pas rien. Là. Non. Wow, hein? À sec. À sec. Frette, net, sec. On est en 2010, les rasoirs peuvent bien pas avoir d'eau. Non, c'est ça, exactement. Ouais, bon. Et puis, Martin Levaux, qu'on a essayé d'appeler hier, nous écoutait en direct de son auto, donc il ne pouvait pas répondre. OK, parce que là, pour ceux qui ne nous ont pas suivis, c'est qu'on appelle des amis de François-Olivier à chaque jour dans l'émission pour les réveiller, premièrement. Ouais, c'est ça. Leur faire une surprise, et c'est même pas toi qui parles en premier, comme ça, ils savent pas trop c'est qui appelle. Parce que si je parlerais en premier, j'imagine qu'ils pourraient peut-être dire des... Des obscénités. Ouais, non, c'est ça, exact. Mon neveu! pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Comme ça, Mathieu Plante suscite l'intérêt. Oui. Et puis, suscite le respect aussi. Tel un Pierre Bruno. Tout à fait. Donc, on en fera un autre tout à l'heure. Ouais, exactement. J'ai une petite idée, là, de peut-être qui, là. Ah oui? À savoir s'il va répondre aussi. Là. Dis pas son nom, là, parce que là, peut-être qu'il nous écoute en même temps. Peut-être qu'il est déjà réveillé. Inquiète pas. Impossible. Impossible aussi. Hey, il fait tellement froid ce matin. Là. Ah oui, moins une, moins deux. Moi, j'ai vu moins quatre. Moins quatre dans ma voiture ce matin. Les vitres étaient givrées, donc si vous voulez sortir le bonheur, peut-être prévoir un petit délai supplémentaire pour faire dégivrer le tout. Et oui, et sortez votre duvet et d'autres duvets. Duvet par-dessus. Et laissez-vous pousser le duvet. Oui, de la moustache. En haut de la bouche. Ça réchauffe l'endroit qu'on nommera pas entre le nez et la lèvre supérieure. Cette place-là. Comment ça s'appelle? Ça a un nom, mais je me suis oublié. C'est dans mes films, à un moment donné. J'écoutais même pas moi-même. Fait que j'imagine pas comment tu le savais pas. Est-ce que t'es prêt maintenant à transitionner? Transitionnons, d'accord, parce que c'est le moment de commencer avec notre premier bloc de l'émission. Et c'est un bloc qui commence en force, donc c'est « Il était deux fois ». Il commence deux fois plus fort. C'est ça. Pensez deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Oh oui, le premier bloc d'émission est un « Il était deux fois ». On va se dropper ça d'en face, François-Olivier Marchand. Garde-toi. Ben, en fait, c'est toi que je vais garder parce que toi qui a demandé ça, qui m'a forcé. Forcé. Non, j'adore moi aussi Winter Gloves. On va entendre une pièce de chacun de leurs deux albums. Tout à l'heure, il va y avoir une pièce de l'album All Red, leur plus récent. Mais on commence avec leur CD About a Girl. Et t'as choisi la pièce. Let Me Drive. Alors, on écoute ça. Et où donc? Assemblage requis. Sur quelle station? C'est fou 89.1. Hey, winner! We'll be right back. Spectre Glass avec Trap the Mouse, leur nouvel album All Red, précédé de Let Me Drive, de leur précédent album About a Girl. C'était dans le bloc, il était deux fois d'assemblage requis et c'était merveilleux. C'était merveilleux. Il y a un petit problème, par exemple, avec Winter Love que je trouve. Quoi? Écoute, tu veux-tu qu'on en parle? Ben, avec plaisir. Les pièces sont trop courtes. Ben, je sais bien. Et l'album, le All Red au complet, dure 27 minutes. Ouais, non, c'est pas... Je sais pas, faudrait peut-être qu'il rallonge là. Ah, je viens de voir l'autre About a Girl dure 26 minutes. C'est pas énorme. Tu sais, deux CD puis t'en as même pas pour une heure. Là. Même pas. 50 minutes à peine. En spectacle, ça doit être court et bref. Ouais. Mais intense en même temps. Mais intense, tout à fait. C'est peut-être qu'ils prennent le temps, leur temps aussi entre les pièces des fois. Ouais. Puis c'est peut-être mieux que de bourrer un CD de pièces merdiques juste pour faire une heure et. Ouais. Mais je les avais vus en spectacle au festival en vol Macadam, pas cette année, l'année dernière, et puis c'était excellent. Okay. C'était excellent. Et puis, j'avais pas trouvé ça court, malgré que j'avais trouvé ça très bon. Okay. Est-ce qu'en spectacle, leurs pièces, ils font un petit peu plus... Ça sonne très bien. Ouais, OK. Mais pas plus longue chaque pièce ou rien, pas de petit beat. Écoute, peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu, mais ça diffère pas beaucoup du CD. En dirait qu'ils que j'ai, là. Ouais. En dirait qu'ils veulent pas répéter le refrain trop, tu sais. Ouais. Pas faire trop commercial. Ouais. En dirait. Bref, mais c'est Winter Love. Bon, le refrain. Mais ils sont tout le temps bons. Ben, c'est pour ça. Écoute chaque pièce deux fois, puis t'en as à peu près pour un CD normal. Exact. François-Olivier, maintenant. En ce moment, à l'émission... C'est là que ça se passe. Oui, c'est là que ça se passe, parce que depuis le début de la semaine, on a une série Movember, on en parle sans cesse, et puis on appelle des amis à François-Olivier pour essayer de les réveiller, les surprendre, et les forcer à faire pousser leur moustache pendant le mois de novembre. Fait qu'à un moment donné, on va voir là, si ça sonne, peut-être. Je suis pas là pour le moment. Oh, sa boîte vocale. Ah, ça, c'est dommage. Mais ça arrive. Je vais rappeler un autre numéro. Pendant ça, moi, je vous dis que Movember, c'est pour, entre autres, le cancer de la prostate, mais c'est aussi pour... Tu peux y aller. Pour d'autres affaires de santé masculine, on sait que le cancer de la prostate, c'est la maladie la plus répandue chez les hommes, donc c'est pour ça qu'ils concentrent leur force là-dessus. Mais c'est aussi pour plusieurs autres causes de santé masculine. On en a assez un, vraiment pas certain qu'il va répondre par exemple. Okay? Okay. Ben, c'est des tests qu'on fait, hein, des tests live à la radio de même, c'est super divertissant. Ben gros ça! Hein? Movember.com, c'est le site pour vous renseigner sur tout ça. Et puis, il y a un concours de moustache là-dedans à un moment donné à la fin du mois. Donc... On va voir si ça sonne. Ça va être moi qui va parler en premier, évidemment. Pascal. Pascal? Ouais. OK. L'homme a écrit « J'ai animé ». Les petites boues. Ah oui, OK. Ton excellente émission. Ça sonne guitare. Bonjour, vous avez bien rejoint la boîte vocale de Pascal. Dommage. OK, OK. Écoute, on a essayé de l'appeler chez eux. Là. Ben, c'était sur le cellulaire. On retourne en musique. OK. Après ça, on va revenir avec ça. OK. Ben, c'est un peu long. On va l'entendre un classique des palmarès. En fait, c'est dans notre bloc. Tu te rappelles notre super bloc qu'on a instauré la semaine passée. C'est vous l'avez peut-être raté sur nos ondes. Comment on avait appelé ça déjà? Hein? Plutôt assez fou. Une pièce qu'on a entendue assez fou récemment, mais que... Ah oui. Ben oui. Qui avait joué, ben oui, je me rappelle. T'étais Archive, là, ouais. Qu'on avait fait jouer la semaine dernière. On avait ramené ça, puis les auditeurs ont capoté. Donc, on répète l'expérience, hein? Avec Télémaque, moi j'adore la pièce Une frite, l'amour à la sauce américaine. Ça fait très longtemps que c'est pas sur le palmarès de C'est fou. Ça date de quelle année, ça? 2004. Quand même un bon 6 ans et quelques. Télémaque à Assemblage Requis. Yeah. Est-ce que tu me donnes une frite? Est-ce que tu me donnes une frite? Est-ce que tu me donnes une frite? Télémac! Avec la pièce Une frite. Entre parenthèses, l'amour à la sauce américaine. L'amour à la sauce américaine. Oh, American sauce, et de la gravy. American sauce. La gravy. T'aimes ça de la gravy? Non. Non, pour vrai? Non, arrête de me juger, Mathieu. La gravy! Alors, en tout cas. Non. Vous êtes toujours assemblage requis, c'est votre émission matinale en pièces détachées et garnie de différents ingrédients, dont de la gravy. Fait que c'est plate si t'es français et que t'aimes pas ça. C'est sûr. Maintenant, c'est le moment de retourner à notre plan de la journée qui est d'appeler des gens, les réveiller, les harceler jusqu'à temps qu'ils disent « Oui, François-Olivier Marchand, Mathieu Plante, je vais faire pousser ma moustache pour le mois de novembre pour Movember. » Et puis là, en fait, ben écoute, on ne le nommera pas. Hein? Non? Non, on l'essaye là. Qui? On l'essaye là. Qui ça? Mettons Nick. Ouais, c'est ça. Exact. D'accord. On va essayer ça. François l'appelle comme ça en direct, par téléphone, sur nos ondes. À date, il y a presque juste des échecs en termes de téléphoner à des gens et puis avoir une réponse. Fait que... Mais ceux qu'on a, par exemple, on a un taux de réussite de 100%. C'est ça. C'est pas la quantité, c'est la qualité qu'on veut. Quand on a réussi à convaincre du monde, c'est peut-être 100%. C'est moi qui vais parler en premier, évidemment, encore une fois. OK. Il faut que ça marche. C'est qui, là? Oui, oui, oui. Ça va être drôle, ça. Inconfortable. Allez, allez, allez, allez. Oui, allô? Bonjour, Nicolas Ducharme, s'il te plaît. Oui, c'est moi. Oui, bonjour, c'est Mathieu Plante. Oui, ça va? Ça va bien, toi? Yes. Qui est-ce qui est avec moi ici? Et François-Olivier aussi. Écoute, non, Nicolas, on t'appelle en direct de l'émission. Assemblage oui. De qui? Ben oui. En fait, on parle a... pas de drogue, là. Attention. Attention, là. Non, écoute, on t'appelle parce qu'on veut te sensibiliser à la cause du cancer de la prostate. Ah, ben, oui, oui, oui. Ouais, non, OK. Est-ce que tu fais déjà des efforts pour... Non, je dois dire que, on essaie de bien manger relativement selon ce qu'on peut faire dans la vie d'étudiant et d'homme de 26 ans de tous les jours. Mm-hmm. Mais pour le reste, écoute, les efforts restent quand même sporadiques, disons-le comme ça. OK, merveilleux. Écoute, mais on a un moyen de sensibilisation pour sensibiliser les gens au cancer de la prostate. L'idée, c'est de se laisser pousser la moustache tout le mois de novembre. Oui, mais les boys, ma moustache, moi, elle est molle un peu. Elle est pas géniale, ma moustache. Là. Écoute, c'est parfait. On aime ça, les moustaches molles. Faudrait que tu... Et puis, ça en fait partie, là. Donc, La plupart des gens ont des moustaches affreuses. J'en suis la preuve. François va en être la preuve dans les prochains jours. Fait que ouais. C'est pas pour le look, c'est pour la cause. Vous allez faire ça, là, vous autres, là? On le fait déjà. Oui, c'est parti depuis le premier, là. Ouais. Ah, boy, ça va être beau, ça. Ça va être beau. Mais c'est intéressant, pareil, quand même, qu'il y a un mouvement qui commence à naître là-dessus pour du côté des hommes. Parce que si on compare pour le cancer du sein, les gars, vous le savez, moi, le sport, tout ça, mais... Tu sais, ça fait un mois que les joueurs de football portent du rose, qu'il y a des joueurs de hockey, qu'il y a des Rick DiPietro avec les Islanders de New York, qu'il y a des pads roses qui sont, ma foi, affreuses, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est intéressant que les gars commencent à faire de quoi quand même pour ça, se défendre, on pourrait utiliser ça comme ça? Oui, ben, t'as tout à fait raison là-dessus. Par contre, est-ce que t'es en train de parler de ça pour te défiler, pour pas faire pousser ta moustache, ou est-ce que c'est juste... Ah, mais moi, c'est des raisons professionnelles qui font que je peux pas avoir de moustache. Il semblait que tu parlais de ça juste pour ça. Ah non, mais je vais voir, là, mais... Fais donc partie de l'équipe, là. Sinon, je vais encourager, là. Je vais donner des high-fives à votre poil facial, puis je vais pousser fort pour vous autres qui est dans votre dos. Ben, t'es fin, mettons. Ouais, mais écoute, tu y penses, puis on te rappelle la semaine prochaine? Ouais. À chaque jour, à chaque matin. Mais laisse-la pousser, par exemple. Rase la poule. Parce que là, les gars, vous m'avez absolument pas réveillé, là, pas du tout. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça le but non plus. moi, ce que je trouve le fun de ma journée de congé, c'est que je peux dormir jusqu'à tard le matin. Hein, J'imagine que ça doit être le fun, oui. jamais quelqu'un va me réveiller comme ça en me disant « Oui, Nicolas, on est en onde. » Les chances que ça arrive sont inexistantes. Tout à fait. Eh bien, écoute, Nick, par la bande, tu veux-tu plugger ton émission? Écoute, les vendredis matin, moi, je me lève pour faire une émission de radio, mais c'est... pas les mercredis, normalement, non. Mais bon, écoutez... Non, Matt, fais la plug. Écoute, moi, je vais retourner me recoucher. Attends, donc, blâme-moi pas, moi. Là, moi, je mets le blâme complètement sur François-Olivier. C'est lui qui prend tout le blâme. Bon. Donc, la conduite de partie, c'est les vendredis matin à 9h, ici même sur les ondes de C'est fou. Merci. Pourquoi je vous remercie? J'ai pas de raison de vous remercier matin, là, mais... Nick, je t'interromps. En fait, c'est nous autres qui te remercie de te laisser pousser la moustache. Ouais. Ouais, c'est ça. Hey, mais les filles, ils ont du droit de participer. Les filles ont le droit de se laisser pousser le poil des jambes. Ah ouais, okay. Non. Ils peuvent se dessiner une moustache, mettons, on pourrait dire. Non? Ben, j'ai pas tout à fait le goût que ça commence un mouvement dans la population où la femme va se mettre à pousser la moustache. Je pense que honnêtement, le but final de la campagne n'aura pas été atteint. C'est à se passer. On va juste se choisir une couleur. Peut-être un beau petit baby blue, là. Hein? Puis faire apporter ça à tout le monde. Ah, ça va être beau. Ouais. Comme le rose. Bon. Bref, merci, Nicolas. Merci, et vraiment désolé. Ah, oh, ben, c'est de bon cœur. Merveilleux, donc. Bonne journée, boys. Yes. Salut, Nick. Salut. Bye. Nicolas Ducharme, l'animateur de l'inconduite de partie. On rappelle, c'est les vendredis matin à 9h, ici sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Donc, nous, on repart en musique. Oui, ça fait du bien que ça marche, oui, le téléphone. Oui, tout à fait. Il était de bonne humeur. En plus. Ben oui. On l'aime donc bien. C'est de l'acting. Cher. En fait, Nick n'est jamais vraiment non plus de mauvaise humeur. Là. Non, ça, c'est un bon gars. Ouais. Un bon Jack, comme on appelle. Un bon Jack. Sauf que c'est un Nick à la place. Assemblage requis qui se poursuit jusqu'à 9h. Il nous reste 1h20 ensemble, François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Maintenant, on va retourner en musique, comme tu le disais si bien, François, avec un de tes choix. Je te surprends comme ça. Oh, c'est là que ça se passe. Oh oui, tu me sors quelque chose. Écoute, on pourrait les frères Goyette, mais un autre pièce. Ah, ben, varier. Est-ce que ça tente? Parce qu'on a besoin d'une petite variante, comme dirait ça. C'était les Goules qui disaient ça. Besoin d'une petite variante, tiens. Hein? Parce que la pièce qu'on entend tout le temps, c'est La balade dans mon camp. Tout à fait. À un moment donné, ça va faire. Là, on la connaît. Cette chanson-là, on l'adore. On veut l'entendre, mais pas à tous les jours. Là, on n'est pas dans une radio qui joue 4 fois la même chanson dans la même journée. Sauf quand ça arrive. On va l'entendre, le grand cardiaque. Le grand cardiaque. Le grand cardiaque. Comme ça, à tout hasard, des frères Goyette à Assemblage requis. Il est resté là parce que juste après, c'est la chronique, c'est un fait. Parce que Louis-Gilles, il s'est informé. Uh-huh. S'est informé pour louer la Béraude, mais c'était pas louable, ça coûtait des prix de malade mental. Okay. Si bête, t'es pas là qu'à la tortue, ils ont pas le même équipement. Ouais, même équipement. OK, Régis, ça marche? Seul! C'est bon. 1, 2, 3... Il chante un véritable rossignol, son meilleur chum à la console. Chante fort comme un frère Jacob, rêve et s'imagine sur les planches d'un théâtre, suivre les pas de Maria Callas. Concert au Carnegie Hall. Et il mange et digère, petit poulet pour chaque concert. Prends des forces, mais prends pas de chance. Son Régis plus grand que la panse. Oh la la la. Le petit petit. Bédé bédé. Oh bada bada. Péchil, pète aux frais. Ce sera en couleur. Un opéra au rythme d'un pacemaker. Car il pousse à l'or chaque fois qu'il pousse une note. Ah, c'est un grand ténor, le chef d'un coffre fort. Tourne en vinyle, rêve du disco laser. au sommet des palmarès, au top d'un hit parade, aime son public et Claudio Monteverdi. Son public l'aime bien aussi. C'est le nouveau Pavarotti. Et la puissance de sa voix causerait des éclats de porte-passion. La puissance de sa voix mettrait KO les tourtereaux. Car il brise le cœur de femme, bouche ses artères, prend le pouls de la gloire chaque fois qu'il fait un concert. Et s'il fait aux frais, ce sera ou en couleur un opéra au rythme d'un pacemaker. Car il pousse sa langue chaque fois qu'il pousse une note. Oh, c'est un grand ténor, la chaîne de coffre fort. Oh, oh, oh. Petit enfant de l'école, si vous l'avez des loups, venez déposer à la caisse de Slénou. Adieu les galettes, les bonbons, les biscuits, viens déposer tes sous chez nous. Sloop et sloop à la bannière, à la caisse populaire. Sloop et sloop à la bannière, à la caisse de chez nous. Hey, la petite comptine. Les frères Gaillette. Oui, la pièce s'appelle Le Grand Cardiaque. C'est sur leur nouvel album Rencontre du Troisième Âge. Un extrait qu'on n'avait jamais entendu encore sur les ondes de C'est Fou. Parce que présentement, leur pièce La Balle est dans mon camp est dans le palmarès. Oui, très bonne pièce aussi. Là. Oui, vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées en compagnie de François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Oui, tout à fait. Et puis on a un invité dans le studio qui se prénomme François Pruneau. Qui travaille comme agent de communication pour le Conseil régional de l'environnement Mauricie. Exactement. Ça va bien? Ben oui, vous. Oui, très bien, merci. En fait, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu c'est quoi le Conseil régional de l'environnement Mauricie. Ben en fait, au Conseil régional de l'environnement Mauricie, on est un organisme à but non lucratif qui œuvre pour l'environnement. Donc là, on agit à plusieurs volets qui est, entre autres, de rassembler les acteurs socio-économiques envers... puis que l'environnement soit inclus dans leur plan régional, finalement. Et on fait une multitude de campagnes qui touchent un peu... l'environnement, c'est général. Là, on a l'eau, la terre, l'air, etc. Donc, on a plusieurs campagnes, là, justement, qui visent vraiment à sensibiliser la population là-dessus. Là. OK, merveilleux. Et puis, je sais que vous avez le rendez-vous de l'énergie. Oui, exactement. On a une campagne des rendez-vous de l'énergie qui est assez dynamique, merci. Je dirais que c'est une des campagnes auxquelles que je participe, que je trouve que ça fonctionne, puis les gens participent à ça. Là. Ça, la campagne, en fait, c'est de quelle date à quelle date environ? Parce que c'est ça, j'imagine que vous avez, comme tu disais, plusieurs dossiers, plusieurs... Oui, c'est ça. La campagne, dans le fond, elle a commencé en septembre. Okay. Que c'est parti suite à une enquête qu'il y a eu dans l'actualité, un sondage CROP. Qui dévoilait des bons chiffres sur notre dépendance au pétrole et sur l'énergie aussi en général. Et juste comme ça, ça parlait des gaz de schiste, ça parlait aussi de des gens qui pensaient qu'il y avait encore des grosses réserves de pétrole encore. Donc, ça sonnait l'alarme, disons, puis ça partait vraiment la campagne début septembre. Et puis, cette campagne-là, dans le fond, on va s'établir jusqu'à fin décembre. Suite à ça, je dirais que tous les résultats qui font... Parce que la campagne, dans le fond, elle s'établit, oui, en région de la Mauricie, mais elle se fait aussi à travers le Québec. Okay. Donc, c'est ça. Fait que tout, dans le fond, les informations qui vont être recueillies parmi les différentes activités des rendez-vous de l'énergie, il va y avoir un forum national au printemps 2011 qui va être organisé. Puis justement, dans le fond, il est attendu des participants là, qui parviennent à dégager de l'exercice des visions communes concernant notre avenir énergétique au Québec. OK. Et puis, c'est ça, là, c'est ça qui est intéressant. Des fois, les gens, ils pensent que, bon, la Chine pollue beaucoup, tu sais, ces trucs-là. Mais là, c'est vraiment ici, en région. Ouais. C'est ça, vous travaillez là-dessus, là. Oui, exactement. C'est ça. C'est qu'on a commencé à faire une foule d'activités. On a plusieurs activités comme le jeu questionnaire de l'énergie. On a des Vox Pop pétroliers. Pétroliers, OK. Oui, exactement. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu c'est quoi? Ben en fait, les Vox Pop pétroliers, on s'est promené dans la région de la Mauricie, à Trois-Rivières aussi. On s'est même promené sur le campus là où que la piste cyclable. Okay. Puis on a arrêté des gens puis on leur posait « Bonjour, êtes-vous dépendant du pétrole? » Puis c'est intéressant, juste les réponses qu'on avait eues. Les gens disaient « Ah oh, ben, je pense que oui, on n'a pas le choix, blablabla. » Mais entre autres, c'est ça qui était frappant, c'est que les gens le savaient qu'ils étaient dépendants, mais admettaient que finalement, on n'avait pas le choix parce que le pétrole, finalement, il est cheap. On l'admet. En ce moment, il est cheap. Et puis, on les ouvrait les yeux en leur disant, ben là, je dirais qu'en 2030, il y a des experts qui prévoient un pic pétrolier. Puis là, c'est vrai, on n'aura pas le choix de trouver des alternatives énergétiques. Puis c'est ça, c'est le but, c'est ça de l'activité. C'est vraiment que les gens participent et puis qui réalisent finalement que notre dépendance envers le pétrole est là et puis il faut trouver des solutions. Il faut arrêter de penser juste au présent puis penser au futur aussi. Exactement. Ça. Puis il y en a des alternatives à ça. Oui, exactement. Il y en a des alternatives et puis c'est justement à ça. Dans nos activités, on pose des questions, les gens proposent des solutions. Puis c'est ça qu'on a, nous, notre devoir, c'est vraiment d'aller consulter, mobiliser l'information. Puis de ça, on va être capable de retirer vraiment des pistes de solutions par rapport à notre consommation énergétique. Mais c'est ça. Mais j'imagine que ici, à Trois-Rivières, ça doit être un peu plus dur. En région, ça doit être un peu plus dur dans le sens que le système de transport, les autobus, est peut-être ouais. plus ou moins adapté... les grandes régions dans le sens c'est ça. Où il y a beaucoup de villages aux alentours. Exactement. C'est un point, bien sûr, que d'après moi, c'est par rapport à notre région. Dans le fond, Montréal n'aura pas les mêmes choses qui vont être ressorties, j'imagine, qu'en Mauricie. Puis surtout qu'on consulte aussi des gens qui habitent en campagne ou vraiment dans le fin fond. Donc, ces gens-là nous disent, ben là, transport en commun, c'est ça, je l'utiliserai pas. Il n'y en a pas en campagne. Oui, fait que c'est vraiment un portrait qu'on essaie de faire le plus segmentarisé possible pour qu'on puisse vraiment proposer des solutions, mais qui sont réalistes par rapport à notre milieu, là. C'est ça. OK, wow. Formidable. Ça, c'est une très, très bonne idée. Ouais. Et puis, c'est ça, j'imagine que covoiturage aussi en fait partie. Oui, exactement. Dans le fond, c'est ça. Admettons, je vous pose une question... advenant le cas que l'essence monte à 2$ le litre, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour réduire votre dépendance au pétrole? Ah! Tu vas plus chercher le matin. Ouais, j'ai pas d'auto, donc moi je participe en n'ayant pas d'auto. Bon, parfait, covoiturage, exactement. Ça fait partie des solutions. Est-ce que vous seriez prêt à faire du covoiturage, du transport actif, transport en commun? Est-ce que vous seriez prêt à acheter des produits locaux, régionaux? Parce que avec le moins de plastique aussi possible. Oui, ouais, exactement. Réduire l'utilisation des bouteilles d'eau, ça fait partie justement de l'utilisation du pétrole. Est-ce que vous seriez prêt à vous procurer, ceux qui ont plus les moyens présentement, une voiture hybride ou à faible consommation d'essence? Est-ce que vous seriez peut-être prêt à vous déplacer plus proche de vos services ou, mettons, de votre emploi, de l'école, etc. Déménager plus près. Oui, déménager plus près, exactement. C'est ça, ça éviterait vraiment les coûts là, à ce niveau-là. Mm-hmm. Donc, il va vraiment falloir repenser aussi, puis même au niveau de l'urbanisme d'une ville qui est vraiment faite sur l'étalement urbain. Là, présentement, c'est pas fait en fonction qu'on puisse se promener à pied puis non, se déplacer. C'est ça. On ça, prend c'est notre un char, même aller à l'épicerie, c'est on n'a pas le choix. Là. C'est ça, exactement. C'est un problème de taille dans le sens où tout est bâti en fonction des routes. Oui, exactement. Notre vie est bâtie en fait en fonction de l'utilisation du pétrole. Et puis, c'est ça qui m'a sonné l'alarme. Présentement, justement, on va en parler, c'est un ciné-débat qu'on fait comme activité. qui est un film qui s'appelle A Crude Awakening, The Old Crash. Là, présentement, il est en anglais, mais il est sous-titré en français. Donc, dans notre activité, vraiment, là, on présente des extraits du film parce qu'on veut vraiment que l'activité soit dynamique. Okay. On veut que les gens participent. On veut que le monde trouve ça cool. Puis les faire comprendre aussi, les gens, tu sais, c'est pas... Oui, exactement. On veut les éveiller. On veut leur montrer que, regardez, c'est ça qui se passe, là. Puis parlez-en. Puis... faites quelque chose. Parce que le monde font vraiment comme ça allait être le problème de quelqu'un d'autre plus tard. Puis là, nous oui, ça exactement. Bien en ce moment, c'est ça. Ben, c'est ça. On en parle, mais finalement, est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on ben fait non. quelque chose? Est-ce qu'on. Il faudrait pas changer notre routine? Il faudrait pas changer notre vie? C'est justement, les gens, c'est ça, sont informés, mais sont pas prêts à. Ils disent même que l'environnement est à la mode. Ouais. Puis que ça fait partie de notre plan, mais finalement, on fait rien. Okay? C'est tellement toujours vrai. Plus facile de faire ça. C'est... Ouais. Tout le monde fait des petites, extrêmement miniatures petites affaires. Ça aide, c'est sûr, mais ils font comme moi, je fais ma part. T'sais. C'est okay. ça, exactement. Moi, ben moi, en fait, ce que je propose, c'est vraiment que les gens, les étudiants, fassent leur part et qu'ils viennent à notre ciné-débat vendredi prochain. Okay? C'est où, c'est quand? À l'UQTR, exactement, okay. dans vos locaux. Dans le fond, ça va être vendredi de 13h, à partir de 13h l'après-midi, au 1088 Ringuet. Donc, nous autres, dans le fond, on présente un ciné-débat, Crude Awakening, The Old Crash, sous-titré en français. Ce film-là, dans le fond, comme je vous dis, moi, je l'ai écouté, puis ça m'a vraiment frappé. Puis je me suis aperçu, finalement, que ma vie tournait autour. Même mes rêves, mes objectifs futurs sont construits en fonction du pétrole. Puis aujourd'hui, c'est comme ça. Hmm. OK. Wow. Et puis... voyons, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'imagine que, c'est ça, il y a d'autres places sur Terre qui, eux autres, n'en utilisent pas ou presque pas. Tu sais, en fait, allez-vous chercher des idées aussi ailleurs, de ce qui se passe ailleurs? Oui, exactement. On regarde un peu ce qui se passe ailleurs. Vraiment, on a des experts aussi qui se sont prononcés sur la question. Entre autres, le Conseil régional de l'environnement a fait venir un expert justement pour parler aux acteurs socio-économiques de la région. Socio-économique, c'est ça. Là, vous voulez dire quoi? On dit socio-économique, c'est Québec, des leaders. C'est vraiment des gens qui sont leaders au niveau de l'énergie ou juste des gens qui sont des leaders, je voulais dire, mettons, politiciens, okay. Mettons, des députés. Des gens, dans le fond, qui peuvent avoir du poids sur la question okay. Puis qui peuvent faire bouger des choses. Là, c'est que... Puis en plus, si la population se mobilise puis qu'elle essaye de dire aux décideurs, ben écoute, est-ce que tu as mis ça dans ton plan? Qu'est-ce que tu prévois faire? Mais c'est important qu'on en parle. Puis je pense que c'est ça le but de l'événement puis de la campagne. Mm. Fait que c'est ça. Dans le fond, on présente le ciné-débat vendredi. Ce qui est bien intéressant en plus, c'est que c'est pas juste les gens qui vont être présents qui vont partager leur ce qu'ils pensent des extraits. Il va y avoir aussi un expert qui va être là, puis c'est M. Richard Cahine, directeur de l'Institut de recherche l'hydrogène, là, qui va apporter son avis d'expert finalement, puis ça va vraiment apporter une autre optique vraiment à la réflexion. Là. L'hydrogène est probablement une des solutions les plus... Oui, exactement. Je participais justement la semaine passée à un salon des transports sur les moyens de l'avenir. C'est ça, les transports de l'avenir finalement. Puis, on avait l'hydrogène, entre autres, qui faisait partie d'une alternative énergétique. On avait des voitures électriques, des voitures hybrides. Là, on parlait aussi de biodiesel. Donc, il y avait plusieurs façons, là, vraiment, là, de penser autre que le pétrole. Puis, j'imagine que le climat ici aussi joue un peu en notre défaveur. En sens que en Californie, c'est peut-être moins dur avec les autos électriques, ces trucs-là, peut-être même envisager le solaire. Oui, exactement. Ben, c'est ça, il y avait même des voitures solaires, des étudiants qui avaient fabriqué une voiture de course finalement, là, puis qui participaient vraiment à une compétition, qui avaient construit une voiture solaire. Donc oui, c'est bien intéressant. Puis je pense qu'il n'y a pas nécessairement une seule solution. T'sais. On a l'hydrogène, on a le solaire, on a l'éolien, on a plusieurs alternatives énergétiques. Est-ce que ça va remplacer du jour au lendemain le pétrole? Non. OK? C'est vraiment ça. Ça va être vraiment des recherches et puis ça va être vraiment trouvons des alternatives et puis prenons un melting pot de tout ça puis organisons-nous différemment. Ouais. J'aime ça, vous êtes réaliste. C'est vrai. C'est à long ça. Terme, mais il faut commencer à faire quelque chose le plus vite possible. Oui, pour c'est que à long terme. Puis regarde, je vais l'avouer. Moi aussi, je suis venu en auto ce matin. Oh, ici, ouais. Là, j'ai pas eu le choix. Il faut que je me déplace. Ouais. Donc, c'est une réalité qui fait partie de notre vie au quotidien. Puis, c'est justement ça, c'est réfléchissons pour trouver des solutions et proposons ça dans nos activités. Merveilleux. Ouais. Hey, merci beaucoup, François Pruneau, agent de communication, pour le conseil régional. Ça me fait plaisir. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Rappelle-nous le ciné-débat. C'est vendredi à 13h. Donc, vendredi 13h au local 1088 Ringuet. Donc, c'est ça. On va présenter des extraits du film A Crude Awakening avec un expert de renom qui est Monsieur Richard Cahen qui apportera son avis d'expert. Et puis, vraiment, les gens seront encouragés à participer et à donner leur opinion sur les extraits. Parfait. Ça, ça coûte rien? Non, c'est gratuit. C'est vraiment le fun. Et puis, ça va être assez frappant. Merci. Et je vous jure que vous allez sortir de là avec une autre opinion de notre... je l'aime plus, mon de notre auto. Consommation de pétrole, exactement. ceux qui veulent plus d'informations, il y a entre autres les Rendez-vous de l'énergie sur Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres adresses Internet à donner? Oui, en fait, l'adresse Internet des Rendez-vous de l'énergie qui est le www.rdvenergie.qc.ca. Et vous pouvez aussi retrouver une foule d'informations à ce sujet-là sur notre page Facebook à nous aussi du Conseil régional de l'environnement à Mauricie. Dans le fond, on a mis aussi des vidéos Vox Pop, justement des Rendez-vous de l'énergie. Vous pouvez retrouver ça là-dessus. C'est bien intéressant. Ouais, ça peut être bon, ça. Merci beaucoup. Ben, je vous remercie, les gars. Merci. Et puis, s'il y a d'autres choses, en fait, j'ai un topo. Écoute, on est là pour toi. Super, merci. Yes, bonne journée. Toujours Assemblage requis, François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Il nous reste une deuxième heure qui s'en vient dans quelques minutes, mais oui, avant, tout à fait. On va passer à l'Infocampus. Merveilleux. Puis on vient. Restez là. Restez là. C'est fou, ça. Ça va bien. 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bon, retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis. On est le mercredi 3 novembre 2010. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Bon retour à vous. Vous tous, les requins. Les requins. Oui, vous avez une belle deuxième heure d'émission devant vous. C'est certain, il n'y a aucun doute là-dessus, hein? Non, non, non, non, non. Et en plus, il fait un peu plus chaud que... la première heure. Oui, vraiment, ça monte là, de minute en minute de quelques centièmes de degrés. C'est beau à voir. Tout à l'heure, on va recevoir Alexandre Gauthier du comité de solidarité Trois-Rivières. Exactement. Il y a aussi la chronique C'est un fait, mais pour l'instant, voici Polyphonic Spree et la pièce Running Away, précédée de l'introduction Together We're Heavy. Et ça, c'est un vieux classique de J'aime Radom. Ça, les intros. Oui, moi aussi. Sur un CD, c'est le fun. Ouais. Ça commence bien. Ouais. Ça dure genre 30 secondes. Leur album s'appelle The Fragile Army. On écoute ça. Assemblage requis. C'est fou. 89 FM. La Radio Campus de Trois-Rivières. Il reste comme 4 secondes, on pourrait dire CIF.ca, mettons. Et ici, on pourrait dire comme go. Go. Go. Go. We'll be right back. Gaslight Anthem avec la pièce Boxer, assemblage requis. Oui, Boxer, on aime ça, ça c'est slack. Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Tout à fait, et là on reçoit Alexandre Gauthier du comité de solidarité de Trois-Rivières. Bonjour les garçons, ça va bien? Ben oui, je suis content d'être en studio avec vous. C'est fun de t'avoir. L'autre fois, c'était par téléphone. C'est moins personnel. On aime ça te voir de face. Oui, mais à cette heure que je sais que les sièges sont confortables, en fait, je resterai pas chez nous pour vous appeler. Je vais venir en studio. Là, ah, parce que t'étais chez vous? Ah, ben oui, tout à fait. Ah, ouais. Je vous appelais là, de la maison, là, mais je vous écoute tout le temps de la maison de toute façon. Fait que ça faisait pas grande différence. Alors, je vous appelais. Je participais, en fait. Ouais. Je pensais que t'étais au travail. C'est ça. Alexandre Gauthier, tu viens nous parler des conférences que vous allez donner. Le comité de solidarité? Oui, en fait, c'est les Journées québécoises de la solidarité internationale. Okay. C'est un truc qui est pan-québécois. Donc, c'est la 15e édition cette année et c'est des conférences qui touchent des thèmes en lien avec la solidarité internationale, le développement international, etc. Et il y a un paquet d'organismes partout au Québec qui portent ces conférences-là. Et nous, en Mauricie, en fait, le comité de solidarité Trois-Rivières, c'est un peu nous qui a joué le rôle de leadership là-dedans. On a réuni autour de nous là, un paquet de partenaires en fait du milieu communautaire, des gens syndiqués. Ouais, il y a des gens syndicaux le syndicat des professeurs du Cégep notamment qui travaille avec nous autres, les étudiants et tout. On a assis ce monde-là autour d'une table et là l'idée c'est qu'on est parti du thème des JQSI, donc les Journées québécoises de santé internationale. Cette année, le thème c'était repensons notre modèle de développement. Et là, l'idée, c'est bien dans le fond pour ici, mais aussi pour ailleurs, mettons envers l'Afrique, envers l'Amérique latine, et aussi ici même. Là, comment est-ce qu'on développe nos villes? Fait que ça peut parler de développement durable, ça pouvait parler de. Et là, on a fait un espèce de brainstorm collectif avec nos partenaires. Et là, il y a plusieurs conférences qui ont émergé. Et c'est pas le comité de solidarité Trois-Rivières en organise quelques-unes, mais joue surtout l'espèce de rôle de catalyseur là-dedans. Donc, il y a plusieurs organismes qui ont travaillé là, à bâtir la programmation en Mauricie. Et je vous dirais, mettons, en Mauricie, au niveau des régions, on est une des régions où il y a le plus d'événements au cours des... Ben, à part, mettons, on parle de Montréal au Québec, là, mettons, mais dans les régions. Ouais. Donc, en région, on a quand même une place où il y a beaucoup, beaucoup de conférences qui vont se passer. Fait que c'est super. On est vraiment contents. On a lancé ça hier, en fait, là, la programmation officielle. Et la première activité, qui va être une très grosse activité, c'est demain, c'est jeudi. Donc, c'est vraiment ça qui va lancer un peu le bal. Et ça va être du 3 jusqu'au 13 novembre. Il va y avoir quasiment une activité par jour, dans le fond. OK. Et puis, ça ressemble à quoi, les activités? Là, en fait, je suis sur le site Internet. Ah ben oui, c'est ça. On peut en parler. Le www.cs3r.org. Et là, il y a vraiment toutes les activités qui sont là-dessus. Et puis, tu veux-tu nous dire un peu les activités que vous... Ouais, moi, je vous ai préparé une petite sélection, les gars, okay. Parce que je me suis dit, tu sais, il y en a beaucoup, en fait, il y a quasiment une par jour, enfin qu'on passera pas au travers là, quasiment une douzaine d'activités, mettons. Mais mettons, les grandes cibles que je pourrais vous donner, là, jeudi 4 novembre, c'est demain, on reçoit une conférencière là, d'ordre international, c'est Aminata Traoré, c'est l'ex-ministre de la Culture du Mali. Et elle s'est fait connaître, en fait, là, et est peut-être un peu moins connue à Trois-Rivières là, que les Rolling Stones, mettons, mais quand même, sur la scène internationale, dans les forums sociaux mondiaux et tout ça, c'est vraiment c'est un gros nom, mettons. Rockstar. Ouais, c'est comme une rockstar, genre, du développement international. Mmh. Ouais, ben. Et ça, c'est rare que ce genre de personnage-là, en fait, vienne dans des places comme à Trois-Rivières faire des conférences. Elle a donné une conférence à guichet fermé hier à Montréal, et ça a été, c'était pour le lancement, justement, de des JQSI. Et il y avait du monde un peu partout. Il y avait des dignitaires, c'était protocolaire. Je veux dire. C'est quelqu'un qui, quand elle se déplace, le monde, elle attire du monde. Tu sais. Puis vous avez réussi à mettre la main... Ben oui, parce que en fait, elle doit passer par Trois-Rivières cette journée-là pour repartir vers le Mali. Et on a réussi à l'accrocher pour faire une conférence midi demain, en fait, le 4 novembre. Alors, c'est ça. Elle va être, c'est où? Elle va être au Cégep de Trois-Rivières. Okay. À côté de la cafétéria, il y a le loft du Cégep de Trois-Rivières. Et elle va se donner comme ça en conférence dans le loft. Un peu moins glamour que ce qu'il va y avoir à Montréal comme conférence. Mais tout de même, je pense que ça va être une belle activité. On devrait faire aussi... je vais le dire sale con, mais porte-con. En tout cas, on va essayer de remplir la salle. Il va y avoir des étudiants, des gens du communautaire à Trois-Rivières, des professeurs et tout ça. Donc, ça va être une belle activité, mais il reste... Il n'y a pas de réservation. C'est comme le concept de tu pointes. Oui, tout est gratuit. En fait, à peu près toutes les activités des JQSI durant toute la semaine là, sont à peu près tous gratuites. Sauf peut-être, là, il y a des affaires qui sont faites, mettons, comme en partenariat avec le Ciné-Campus. Bien, à ce moment-là, il y a les frais applicables, normales au Ciné-Campus. Okay. Donc, je pense que pour les membres, ça doit être à peu près gratuit. Puis pour les autres, il y a un petit frais, là, mais c'est pas mal moins cher qu'aller au cinéma. Ah, oh, écoutez. Et bien, c'est ça. Donc, on continue. Il y a jeudi, le 4 novembre, Aminata Traoré, qui, pour moi, va être un des grands coups de cœur de la semaine. Au Cégep, au LOF. Au Cégep, au LOF. En presque concert intime, on pourrait dire. Concert intime de la solidarité. Ouais, Aminata Traoré unplug au Cégep de Trois-Rivières demain. Mais elle va être quand même pluguée parce que s'il y a 150 personnes, il va falloir qu'on l'entende un peu. Mais non, ça va être intéressant. Et c'est en français aussi parce que le Mali, en fait, ça parle français. Bon, ça peut rassurer du monde. Ben, je crois que oui. Hein. Ensuite de ça, dimanche prochain, en fait, cette semaine, il va y avoir l'auteur Alain Deneau qui va venir faire une conférence à sa librairie Clément Morin au Morgane en haut sur les Forges. Là. Et c'est Patricia Power qui va animer un peu la rencontre. Il y a souvent au Clément Morin des rencontres d'auteurs comme ça. Et là, l'idée, c'est qu'on a fait venir un auteur qui est en lien avec notre thème, le repensons et modèle de développement. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça a fait la manchette peut-être il y a un an et demi, un peu plus. Là, mais Alain Deneau, c'est l'auteur de Noir Canada. C'est un espèce de livre, en fait. Ça retraçait là, les minières, le comportement des minières canadiennes à l'étranger. Et là où on l'a entendu parler, finalement, de ce livre-là, et on a découvert pour beaucoup Alain Deneau, c'est il y a eu une poursuite Bayon, en fait, genre le Barrick Gold, qui est une grande compagnie minière canadienne, le poursuit présentement, en fait, pour plusieurs millions de dollars pour les propos qu'il tient dans son livre. En fait, eux disent que c'est de la diffamation, mais... dans mesure où, en tout cas, pour avoir lu le livre, là, il y a beaucoup, beaucoup de notes en bas de page et c'est très, très bien référencé. Ouais, oui, c'est ça. Donc, certains disent que c'est une poursuite Bayon un peu, on veut essayer de faire taire ces critiques-là. Et lui, il récidive, en fait, parce qu'il y a de l'enfant, j'imagine qu'il a rendu à quelques millions d'actions contre toi. Tu dis, bon, quelques millions de plus ou de moins. Tant qu'à ça. Il sort un nouveau livre qui s'appelle Offshore. Et c'est ça qu'il va venir nous présenter. Offshore, c'est comme un paradis fiscaux. Donc, il reprend encore un peu le même angle de travail, si on veut. Donc, il reprend les grandes sociétés minières, mais aussi les banques et tout ça. Et il va essayer de... Ben, il a fait, en fait, le travail d'aller voir tous les paradis fiscaux qu'il y a pour ces banques-là, combien qu'il pourrait y avoir là-dedans, combien, en fait, l'État ne peut pas aller chercher d'argent dans ces... et combien ça coûte finalement au Canada, puis c'est quoi les mécanismes, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les autres pays font. Donc, et encore une fois, là, c'est super documenté, j'imagine qu'il ne veut pas se faire trop poursuivre, alors c'est bien fait. T'as pas le choix, si tu veux une certaine crédibilité, t'as pas le choix d'approuver tes dires avec des sources, des... Ben, tout à fait, mais et en fait, l'idée, c'est qu'Alain Deneau, c'est pas un polémiste, mettons, comme d'autres pourraient, tu sais, écrire trash, puis dire, bon, ça, c'est mon opinion. Lui, c'est pas ça, c'est un intello. C'est un universitaire. C'est des faits. C'est des... Exactement. Et la lecture, mettons, moi, j'ai lu, pas l'œuvre, mais mettons, j'ai lu les deux livres dont je parle présentement et c'est ardu comme lecture. Moi, j'adore ça, tu sais, mais des bouts qu'à un moment donné, ça devient, là, c'est très précis, c'est très long, c'est de la méthodologie, tout ça. Sauf que c'est ce qui donne, en fait, que le livre est puissant. Tu sais, c'est pas un livre que tu peux rejeter du revers de la main et c'est ce qui dérange. C'est pour ça qu'il se fait poursuivre, en fait. Donc, il va être à Trois-Rivières. Ça, c'est dimanche. C'est dimanche, donc ça va se passer à 11h à la librairie Crémant Morin. Et encore une fois, c'est gratuit. Et vous avez une chance de voir Patricia Power. Donc, en plus, ça quand même, du monde, quand c'est même. Sûr. Ben oui. Et c'est un Morgane, fait que finalement, ça attire déjà des gens. Donc, je pense que tous les arguments sont là. Et j'ai ciblé, après ça, on pourra peut-être faire une espèce de nomenclature, un name-dropping de tout le reste. Là. Mais il y en a une autre que je voudrais présenter. C'est jeudi le 11 novembre, on a la projection du film L'Affaire Coca-Cola. C'est un film qui a pas passé, je pense, à Trois-Rivières dans les salles, mais à Montréal un peu. Tu sais, ça a été un film là, que quelques salles ont repris. Mm-hmm. C'est un film, je pense que c'est un partenariat de l'ONF, en fait. Donc, et l'idée, c'est que c'est des journalistes qui ont retracé les... Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Coca-Cola participerait, ou du moins je pèse mes mots, je vais pas me faire poursuivre comme Alain Deneau, là, mais serait comme impliqué directement ou indirectement dans des histoires là, de corruption avec dans ces usines de Colombie, de peut-être meurtre, peut-être torture, peut-être enlèvement envers de des ses leaders, employés. Syndicaux, du moins... Faut dire, je veux dire, le film dure 2 heures. Moi, je l'ai vu, puis c'est comme une tonne de briques un peu. Là, ouais, mais c'est beaucoup d'informations. Ouais, et assez intéressant parce qu'ils sont allés en Colombie, ils sont allés voir les travailleurs. Puis moi, c'est ce qui m'a le plus frappé en fait en voyant ce film-là, c'est ils parlent directement avec des leaders syndicaux, mais juste aussi avec des ouvriers, tu sais, qui sont des fois peu scolarisés, mais qui là, ils gagnent, je crois, une pièce par jour pour travailler. Puis c'est vraiment intéressant de, parce que ça rentre là-dedans. Et de l'autre côté, il y a une espèce de penchant de, aux États-Unis, la campagne un peu de sensibilisation qu'ils ont monté. Moi, je disais en communication sociale, donc c'est sûr que ça m'a intéressé. Et la campagne de sensibilisation qu'ils ont essayé de monter aux États-Unis pour venir en aide aux Colombiens et tout. Donc, c'est quand même un très, très bon film. Ouais. C'est un format qui est intéressant au niveau... on n'est pas dans un documentaire sur les vaches en Nouvelle-Guinée. Là. Je veux dire, on est dans un documentaire... Ça peut être intéressant aussi. Là. Tout à fait, mais à une toute autre heure de la journée. Oui. Non, mais pour vrai, c'est un film qui déménage. Mais pour vrai, allez voir, il y a des extraits sur YouTube. Allez voir, puis ça va vous allumer, puis ça va vous donner envie d'aller voir. Cette même la bande-annonce de 30-40 secondes, ouais. Là, oui, c'est quelque chose, c'est un propos assez choc. Mm. Là. Et d'ailleurs, là, on fait un lien avec l'UQTR, mais à l'université ici, cette année, c'est le renouvellement de la renégociation, du moins, du contrat avec Coca-Cola. Donc, c'est super intéressant, peut-être, pour ceux qui voudraient en apprendre un peu plus sur cette multinationale-là, de venir, en fait, à cette conférence-là, puis de voir un peu... peut-être l'autre côté, un envers de la médaille de Coca-Cola. Maintenant, c'est sûr que le film est pas, c'est pas une charge virulente contre la compagnie. Ça présente certaines nuances. Et je pense que ça vaut la peine, en fait, de juste d'inclure ça dans le... Parce qu'en fait, l'idée, c'est que les choix qu'on fait ici, ça a des répercussions là-bas. Ouais, c'est un partout, peu ça, l'idée des journées de la solidarité internationale. C'est de voir... un peu qu'est-ce que... C'est quoi les liens entre nos modèles de développement ici puis ailleurs, tu sais. Et mettons, là, si on y va en rafale un peu, là, on a... hier, en fait, il y avait la projection du film « Je vous salue, Mariette Milo », qui est une... sœur Mariette Milo, en fait, c'est une sœur ici à Trois-Rivières qui a beaucoup travaillé à l'international et tout. Et ils ont fait un documentaire, en fait, sur sa vie. Et ça, c'est une boîte, elle s'appelle Vidéo Femme, en fait, c'est à Montréal. Et ils l'ont choisi. Ça fait quelques années qu'ils travaillent là-dessus. Et hier, ils lançaient officiellement le film, là, en grande première. Donc, c'est au Ciné-Campus, Non, c'était pas au Ciné-Campus. C'était vraiment une projection privée, en fait, pour. C'était à la Maison de la Culture. C'était vraiment pour. Ben, c'était un peu sur invitation, en fait. Et l'idée, c'était vraiment pour tous ceux qui ont connu Mariette, qui connaissent Mariette, etc. Et encore une fois, ça a fait sale comble et c'était super populaire. J'imagine que durant l'année, en fait, il faudrait juste suivre. En fait, on pourrait sûrement voir sur le site de videofemme.org. J'imagine qu'ils vont faire la promotion des prochaines projections qu'il va y avoir dans la région. Ensuite de ça, on a un pitch à coup de chat sur la consommation solidaire. Ouais, je me suis fait expliquer rapidement c'est quoi, là. En gros, c'est qu'il y a un... il va y avoir comme un espèce de PowerPoint qui passe avec des images et qui ont un lien avec la consommation responsable, avec la surconsommation, etc. Et là, les dans le fond, la salle est appelée à intervenir ou à... ça va vite, là. En fait, il y a des images et là, on dit ce que ça nous fait penser. C'est comme un brainstorm... Collectif sur un enjeu social, mettons, qui, comme là, ce serait la consommation, par exemple. Et ça va se passer à l'Écomarché dans le quartier Sainte-Marguerite, ici à Trois-Rivières. C'est le vendredi 5 novembre de 16h30 à 17h30. Donc, c'est une heure, ça va vite, c'est le fun. Et c'est beaucoup... ça va être des gens, dans le fond, qui... tu vas là pour participer, donc c'est le fun. C'est interactif, mettons. Ensuite de ça, on a aussi un 5 à 7 sur encore sur la consommation, en fait, avec le conférencier Bertrand Rainville. C'est un 5 à 7, ça va se passer au Bu Café. C'est sur la rue Saint-Maurice, à Trois-Rivières. C'est un petit café internet, économie sociale, etc. Belle place, ils l'ont rénové, là. Oui, tout à fait. Ça fait quand même longtemps que ça existe, le Bu Café. Ouais, ouais. Ça doit faire 6 ans, 7 ans quand même que ça existe. C'est ouais, un peu assez méconnu, hein, quand même, parce que c'est comme un peu en marge du centre-ville. Ça, malheureusement, parce que c'est la situation de la place. Oui, puis mais en fait, c'est la volonté aussi d'être donné au quartier Sainte-Cécile, Notre-Dame, un espèce de un café qui serait beau là, pas juste. Puis il est beau pour vrai. Ben oui, tout à fait, c'est ça. On sent quasiment Morgane, mais avec la meilleure musique. Non. Bon, que la musique du Morgane. On s'en barre dans quelque chose. Pas des poursuites Bayon. ouais, donc c'est ça. Ça va être le mardi 4 novembre. C'est un 5 à 7 sur la consommation solidaire. Bertrand Rainville, c'est un intervenant communautaire de la région qui est bien connu, mettons, dans le milieu plus communautaire, mais qui est intéressant là. Au niveau justement de la consommation, de la publicité, ces choses-là. Et finalement, vite, on a la charrette de design intégrée à le... Ça, c'est un concept, en fait, souvent, puis c'est pas la première qu'on fait à Trois-Rivières, on en fait un l'année passée aussi. On regroupe, en fait, des diverses personnes, en fait, de Trois-Rivières autour d'une problématique, hein. Souvent, ça a rapport avec l'urbanisme, des choses comme ça. Et là, l'idée, c'est qu'on dit, mettons, comment on repense le transport en commun à Trois-Rivières. Et là, on pogne du monde là, qui sont des étudiants en urbanisme, en architecture, des professeurs, des usagers, des autobus. C'est ça, c'est ça, c'est l'important. Toutes sortes de monde. Oui, c'est ça, exactement. C'est peut-être pour ça que ça marche pas vraiment, les autobus, parce que, en tout cas... Mais c'est ça, ouais. L'idée, c'est de ramasser tout ce monde-là, puis là, ils se séparent en petites équipes qui sont bien séparées, là. C'est pour qu'il y ait des proportions de chaque type de personne qui est dans place. Et là, t'as, mettons, 2 jours pour monter comme un pitch un peu pour ton projet, comment ou tes solutions. Et il y a comme une espèce de comité d'experts qui va trancher c'est qui le meilleure équipe. Et là, tu peux gagner des prix. Et cette année, le thème, c'est il y a une grosse bâtisse en face du bureau de poste au centre-ville de Trois-Rivières. Et l'éco-hôtel? Oui, l'éco-hôtel. Et c'est organisé par Virevert, l'activité. Et là, ils vont faire venir en fait de toutes sortes de monde, justement, des ingénieurs, des architectes, des futurs potentiels usagers. Je veux dire, ma mère pourrait y aller. C'est assez ouvert. Et là, l'idée, c'est justement, on se met des équipes et il va falloir qu'eux autres, ils réfléchissent à comment on peut aménager cet hôtel-là pour en respectant les normes environnementales, en le développant, etc. Fait qu'il va falloir qu'ils proposent des plans d'aménagement de l'hôtel. Ça peut avoir l'air technique, mais il va y avoir des gens techniques dans votre équipe. T'sais. L'idée, c'est que tu peux y aller sans connaissance technique et te jumeler à l'équipe et donner un point de vue, justement, comme Mathieu disait, de l'utilisateur. Là, c'est ça. Genre, ça va-tu être le vrai monde? Ça va-tu marcher? le non-initié, mettons. Ouais. Là. Et moi, j'en ai jamais fait de charrette de design, mais tous ceux qui en ont fait vraiment m'ont dit que c'était vraiment stimulant comme expérience et que c'était vraiment trippant. Et ce qui est le plus fun, en fait, c'est que comme c'est quand même un comité qui va être crédible, je veux dire, il va y avoir des experts de la question avec des usagers et tout ça, souvent les idées qui sont proposées dans les charrettes sont retenues ou certaines des idées ou par certains la STTR. En fait, l'an passé, on l'avait fait avec la STTR. Cette année, on le fait avec Virevert. Et des fois, ils vont vraiment... puis, je veux dire, à Montréal, il y en a souvent. Il y en a dans d'autres régions. Puis, ça arrive souvent pour vrai que les idées qui sortent en charrette, c'est les idées qui, finalement, vont être faites, vont être réalisées. Parce que c'est quand même un processus qui a du sens. Là, je veux dire, on fait pas ça. C'est pas désincarné. Donc, c'est bien intéressant. Puis ça, c'est la semaine prochaine, en fait, c'est vendredi et samedi, ça dure 2 jours. Puis c'est à, justement, là, l'éco-hôtel-boutique-école. Donc, mais tout ça, vous trouverez ça sur le site de Virevert, en fait, là, qui sur Google, là, vous allez le trouver. C'est un gros organisme à Trois-Rivières. Pour revenir juste brièvement sur l'éco-hôtel, oui. Est-ce que c'est toute la bâtisse qui va être... Oui. Et c'est une bâtisse que... Parce que c'est gros, là. Je pense que c'est 14 d'étages. C'est le deuxième plus gros à Trois-Rivières, je pense, en frais d'auteur, là. Oui. Après et la place Royale. Je pense même que c'est l'hôtel qui va être le plus haut, en fait, au final, là. OK. De mémoire, là, je pense que c'est, en tout cas, un des plus hauts. Je suis monté sur le toit quand on a fait la visite l'autre jour, là, et je dis que c'est assez impressionnant, là, la vue de la ville et du fleuve que t'as à partir de là. Et oui, ils vont aménager tout ça. Ils viennent juste de prendre possession de la bâtisse. Là, sont ça, vraiment ça dans pas, le travail de table. Oui, oh, ils ont leur bureau, eux autres, là-dedans, mais c'est sensiblement ce qu'il y a présentement dans l'hôtel. Et c'est une bonne occasion, justement, d'aller visiter, là, participer à la charrette. Mais oui, éventuellement, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est ça va devenir le premier hôtel qui est certifié, je pense, c'est Lille Canada. Donc, ça va être le premier éco-hôtel... qui va être à Trois-Rivières, mais ça va être le premier du Canada. Donc, tous ceux qui voudront faire par après des hôtels avec la certification LEED vont devoir venir à Trois-Rivières pour pouvoir, dans le fond, s'inscrire comment ça a été fait. Et ça va être en même temps une école en partenariat avec genre, le Collège La Flèche, ces affaires-là. Et ils vont faire comme une école. Pour l'hôtellerie, pour cuisiner aussi. Là. C'est ça. Puis en même temps, pour faire, les gens qui vont arriver là, ils vont apprendre comment faire de l'hôtellerie écolo. Donc, on va former les spécialistes du Canada là-dedans. Donc, Trois-Rivières va devenir une espèce de pépinière dans ce milieu-là. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est pas des... Il y a des fonds privés, notamment, il y a plein d'entreprises en fait, qui participent à ce projet-là, mais ultimement, c'est un projet de la démarche du premier quartier de Trois-Rivières et les profits qui vont être générés par cet hôtel-là, parce que ça va générer du profit, là, je veux dire, on parle quand même d'un hôtel assez luxueux, et tous les profits, en fait, vont retourner dans les premiers quartiers de Trois-Rivières pour, là, on parle de Saint-Philippe, le quartier Notre-Dame, Sainte-Cécile, aussi au Cap-de-la-Madeleine. Et tu sais, les quartiers un peu plus populaires de Trois-Rivières vont tous bénéficier, en fait, des profits de cet hôtel-là. Donc, c'est vraiment un projet qui est bien pensé, autant au niveau environnemental, au niveau des répercussions, après ça, qu'est-ce que cet argent-là va donner. Donc, vraiment, le chapeau à Virevert dans ce projet-là, là, et nous, on les appuie, là, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Oui, et ça commence pour. Ça commence. Là, ils ont lancé le projet. Ils ont la bâtisse, réuni les partenaires. Ils ont l'argent. Ils ont la bâtisse, c'est ça. Et le travail commence en fait. Puis c'est pour ça qu'avant de se lancer dans les travaux, ben ils cherchent à consulter le milieu pour voir comment est-ce qu'on pourrait aménager ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ils cherchent des idées un peu. Et ensuite de ça, j'imagine qu'ils vont lancer dans les travaux. Là, ça devrait se faire. Se lancer rapidement, se terminer quand ça sera terminé. Éventuellement. je sais pas quand est-ce qu'ils vont terminer, mais on parle de gros travaux. Là. Ils vont vraiment. Parce que l'idée, c'est de changer complètement la bâtisse pour la rendre éco-énergétique. Fait que c'est quand même du travail. C'est vraiment super comme initiative. Et notre dernière activité est un peu plus tard que nos dates là, du 3 au 13 novembre, mais c'est un grand rassemblement jeunesse régional. C'est justement le réseau interactif qui travaille avec le comité de solidarité de Trois-Rivières. En fait, c'est notre réseau interactif qui travaille avec les écoles, ces choses-là, et qui essaie de vulgariser en fait des problématiques des fois plus internationales, qui sont difficiles à aborder des fois pour des jeunes. Et là, ça va être sur la consommation responsable. Donc, on va traiter de commerce équitable, de consommation de produits verts ou de développement durable, etc. Ça va être animé par, j'imagine que vous le connaissez bien, Danny Carpentier. Ben oui, Naïd. Donc, Naïd, le slameur trifluvien. C'est lui qui va un peu, parce que je disais, lui, il est impliqué au festival urbain, il est beaucoup impliqué auprès des jeunes. Oui, c'est sûr. Et puis les jeunes, je pense qu'ils peuvent s'associer à lui. Oui, exactement. Et c'est ça, c'est lui qui va animer, dans le fond, cette journée-là. Il va y avoir une centaine de jeunes, à peu près toutes les écoles de la Mauricie, qui vont... avoir un paquet d'ateliers sur la consommation responsable, mais aussi eux-mêmes vont proposer des solutions. J'imagine qu'ils vont déboucher sur une espèce de sur des propositions, etc. Donc, ça va être un beau rassemblement. C'est sûr que là, la population générale n'est pas nécessairement invitée à cette activité-là, mais c'est le fun de savoir qu'il y a des choses comme ça qui se passent là, avec des jeunes, puis qu'il y a il y a une espèce de petite effervescence. Là. Donc, ça, c'est le 25 novembre, mais ça va être justement là avec tous les écoles de la Mauricie. D'accord, ben c'est parfait. Ça passe ben des affaires. Hein, m'attendais. On rappelle donc le mois de novembre, c'est le mois des Journées québécoises de la solidarité internationale. Les informations sont sur cs3r.org pour Comité de solidarité Trois-Rivières. Donc cs3r.org. Alexandre Gauthier, merci beaucoup. Merci, ben merci les garçons. Moi, je reviens quand vous voulez. Ben, c'est ça. C'est parfait. Toi aussi. Salut bien. Merci. Salut. Vous êtes à l'Assemblage requis. L'émission continue pour une trentaine de minutes encore. On va l'entendre Miss Parano de Maken Kosapo, puis on revient juste après. À quelques impôts et la pièce Miss Parano dans Assemblage requis. C'est le moment de prendre une petite pause et puis on revient. Et là, c'est vrai, on va parler de faits dans C'est un fait. Restez là. Yeah! Yeah! François est heureux. Là. Ah oui, c'est bon. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Jusqu'à 9h, c'est fou. C'est fou, ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h à C'est fou. Oh que oui, jusqu'à 9h. Il nous reste 25 minutes ensemble. François Olivier, toujours là? Filé au poste? Quoi? Filé au poste, ça va? T'es là? C'est qui? François? Oui! Réveille-toi, allô! J'irais bien dormir. Ah oui, faire ben une petite sieste. Ben peut-être que les auditeurs se disent ça aussi. Et c'est peut-être ce qu'ils font pendant l'assemblage requis. On sait pas. On sait pas. Des fois, ça peut être plate, mais des fois, c'est bon. On aime tout ça. Moi, en tout cas, j'aime ça. Ben oui, puis en même temps, ceux qui veulent se rendormir, mais bref, je pense qu'ils le déteignent. Ben c'est ça. Colin, ils peuvent pas faire les deux en même temps. Hein? Sais-tu qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi? Oui. Là? C'est de parler d'affaires qui vont peut-être vous endormir, sérieusement, parce qu'il y en a qui sont plates là-dedans. Mais bon, je voudrais pas. En tout cas. C'est un fait. Ton défi va être de me dire à chaque fait lesquels si c'est intéressant c'est ou pas. Ça. C'est le but de la chose. Regarde bien j'ai ça. Tout compris. Il y a un couple du Tennessee, OK, qui a renouvelé ses vœux de mariage 82 fois, OK. C'est Lauren et David Blair qui sont mariés pour la 83e fois en 2004 au Boardwalk Hotel and Casino de Las Vegas, ce qui a battu Richard et Carol Roble de New York et Ralph et Patty Martin de l'Arizona qui ont été mariés 55 fois, ce qui inclut des cérémonies dans chacun des 50 États américains. C'est plate. C'est plate en maudit, hein? Ça, sérieusement, il faut vraiment avoir du temps à perdre. Ah, puis de l'argent aussi. Vraiment. En tout cas, ben, c'est pas des gros mariages chers, ça, je pense. Ça doit être des petits mariages de chapelle. Non, avec Elvis ou peut-être des enfants. Ouais. Peut-être que, tu sais, ceux qui veulent essayer les différents mariages, genre là, Elvis, Star Trek ou tu sais. Écoute, tu peux comprendre que tu veux le renouveler tes vœux peut-être une fois, tu sais, ouais. Mais pas non. Parce que là, rendu là, c'est plus qu'une fois par année, tu sais. Oui. Hey, on va renouveler. Hey, on s'aime on trop. On s'aime tellement. Ah oui, c'est tellement. Ça. Hey, wow, ah, come on. Next. Next, OK. Jackie Chan a un trou dans la tête en permanence. Hein? Ça veut dire ça? Wow, ça, c'est intéressant. Pas pire, ça, là. Lorsqu'il filmait une cascade pour le film Armor of God, Jackie Chan est tombé tête première dans un château. À partir d'un château jusque dans les roches par terre. Donc, un morceau de son crâne s'est fracturé. Ça a causé des hémorragies dans son cerveau. Après 8 heures de chirurgie, les docteurs ont réussi à arrêter le saignement. Mais Jackie a un souvenir de ça. C'est un trou avec un truc de plastique dans son crâne. Jackie, pauvre petit Jackie, je te dis lui, hein, il n'est pas chanceux. Prochain fait, savais-tu qu'en plus d'avoir la fourrure rayée, les tigres ont aussi la peau rayée? Hein? Moi, je trouve ça intéressant, celle-là. Tu trouves plate? Ouais, hein? Mais en même temps, je pense que. Oui, c'est intéressant. OK, parfait, c'est intéressant, j'aime ça. Ah, c'est le fun de verdict comme ça à chaque fois. Allons-y avec le prochain. Ah, comment ça fait que mes faits apparaissent pas? Ok, on va y aller avec d'autres ici, c'est pas grave. Savais-tu que les cheveux et les ongles ne continuent pas de pousser après la mort d'une personne? Tu sais, on entend souvent que c'était le cas. Là. Non, mais c'est pas vrai. Les gens pensent que Là, ça prend pas la tête à Papineau. Ben, franchement, t'as expliqué, pareil. La peau sèche et rétrécie T'sais, à la base des cheveux et des ongles, ça a l'air de pousser, mais c'est le contraire. Tu sais, quand t'es mort, t'es mort. Ben oui, mais là, quand même. Franchement. Next. OK. Savais-tu qu'à Naples, tu connais Naples? L'endroit? Naples, je connais pas ça, moi, les noms de places. Au 16e siècle, s'embrasser en public, c'était quelque chose qui pouvait te faire tuer. Dans le fond, c'était comme punissable par la mort. Genre, s'embrasser en public au 16e c'est siècle. C'est plat. OK. Le jour des élections aux États-Unis, tu sais que c'est toujours le premier mardi du mois de novembre. C'est les élections américaines, ouais. Le mi-mandat, etc. On entend parler de ces jours-ci. Ouais, c'est ça. Donc, c'est toujours le premier mardi du mois de novembre. Pourquoi? Parce que c'est après la moisson, mais avant la météo difficile de l'hiver. Et ça, ben, ça a importé. Pour les agriculteurs. Ben oui, en 1792, c'était le genre de chose qui. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Parfait. Avant 1845, le jour de l'élection était déterminé par les États individuellement, en tant que la journée soit à l'intérieur de 34 jours après la rencontre du Electoral College. Qui avait lieu au début du mois de décembre. Bref, ce fait-là est peut-être moins intéressant, mais ça compte quand même dans mon fait. Tu connais la compagnie Coleco? Coleco? Coleco? Ouais. Ouais. Qu'on associe maintenant avec les jouets et les jeux vidéo. Ça a été fondé en 1932 et c'était, et là tu vas rire, la Connecticut Leather Company, la compagnie de cuir du Connecticut. C'est une compagnie de cuir. Non? C'est plate. Okay. si tu regardes dans l'oreille de certains geckos, tu sais, les geckos, c'est les petits lézards, là, si genre. Si tu regardes dans l'oreille de certains geckos, exactement au bon angle, tu vas voir directement au travers jusqu'à l'autre côté. Par l'autre oreille. Intéressant. Quand même, OK. Ouais. Une étude de l'Université du Texas en 2006, une étude qui visait les enfants entre 5 et 10 ans. Ce qui est ressorti de ça, c'est qu'un enfant sur 4 entre 5 et 10 ans en 2006 croyait que c'était illégal pour les minorités et les femmes d'être président. Intéressant. Border. Borderline. OK, on va y aller avec ceux que j'ai. Tiens, pourquoi pas, c'est pas les plus intéressants, mais quand même. L'État de la Virginie a été nommé d'après Elizabeth Ière, donc la Virgin Queen of England, qu'on l'appelait. C'était son surnom parce qu'il n'était pas marié. On sait que beaucoup d'États ont été nommés après des royautés, si on veut. Donc, les Carolines, tu sais, la Caroline du Nord et du Sud, sont nommées d'après King Charles the First, j'imagine, d'Angleterre. Le Maryland est nommé d'après Henrietta Maria, la reine d'Angleterre et la femme de Charles. La Louisiane est nommée d'après le roi Louis XIV de France. Et là, je pourrais continuer tellement longtemps. La Georgia, Géorgie, oui, a été nommée d'après King George II. Non, ça va, je peux arrêter, c'est bon? OK. Dis-moi le plus fort. Next! OK, savais-tu que tes sourcils... Ils sont spéciales, mes sourcils. Ben, ma copine n'arrête pas de me le dire, check. Je peux mettre l'émotion, on dirait. OK, refais, ouais. Ah, ben, Colin, ouais, c'est tout à fait. Un accent circonflexe. Ouais, si tu fais trop souvent, ça va marquer, puis tu vas avoir des rides, là, non? C'est pas grave. Ça te dérange pas? Ben non. Peut-être qu'en permanence, demain, tu vas avoir l'air d'une espèce de... De frustré. Ouais. Ah non, c'est. Je peux mettre. En tout cas, vas-y. D'accord. J'essaie de me rappeler, je l'avais déjà fait. Ça me dit quelque chose. Mais bref, nos sourcils servent à empêcher, évidemment, la sueur d'entrer dans nos yeux. De tomber. Parce que je sais pas si t'as déjà frotté tes yeux après avoir eu de la sueur sur tes mains, mais ça chauffe pas mal. T'as déjà. Attends un peu. Mathieu a déjà eu de la sueur dans les yeux? Ah, mais tu sais, j'avais pas forcé. Ça, ok, juste... ouais. Il faisait très, très chaud. Et voilà. Bref, c'était un très, très important pour les. Pour la survie de nos ancêtres. Hein? Parce que, bon, essayer de s'enfuir de tes prédateurs si t'as pas de sourcils, ben là, c'est que, tu sais, faut que tu t'enfuis, puis là, ben, tu cours dessus, là, ça te rentre dans les yeux, là, tu capotes parce que là, ça fait mal, puis là, t'es plus capable de t'enfuir, c'est un peu pour ça. Bref, tu serais pas capable de voir. Bon. Et les cils, est-ce que tu sais pourquoi les cils? Les cils, ouais. Je me rappelle pas, non, pourquoi? C'est pour, le sable et les poussières, là, pour. Ah, OK. Ça a bien du sens, tout ça. Bien du sens. Savais-tu, là, je vais me lancer avec un fait musical, donc on me corrigerait si j'ai tort. Frank Beard est le seul membre de ZZ Top qui n'a pas de barbe. Il s'appelle François Barbe. Frank Beard. C'est le seul qui n'a pas de. Je sais pas. C'est ce qu'il dit. Je ne peux pas te dire. Le plus gros flocon de neige du monde qui a jamais été observé. Est-ce que j'ai déjà dit celui-là? Le plus gros flocon de neige du monde. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que j'ai tout fait. 15 pouces de large par 8 pouces d'épais. 15 pouces de large par 8 pouces d'épais. C'est une balle de neige. Ça, c'est pas un flocon de neige. C'est ça, c'est ce que je me disais. Bref, il y a le record, entre guillemets, pour le plus gros flocon de neige du monde. Ça a été trouvé à Fort Keogh. Au Montana en 1887. Par contre, dans la réalité, le plus grand flocon de neige du monde pourrait jamais vraiment être vérifié parce qu'il n'y a aucune façon de mesurer ces affaires-là dans la vraie vie. Non, pas, surtout pas 15 pouces, là, on s'entend. C'est ça. Le gars, il a vu, ça mesure à peu près 15 pouces. Mais non. on sait pas si c'est vrai. Next. Next, OK, on va en faire un dernier. Seulement deux personnes chez Coca-Cola connaissent la formule secrète du breuvage. Ça va être ça? Non? OK, veux-tu que je te l'explique? Non. Ben, il y a une rumeur qui dit que ces deux personnes-là chez Coca-Cola ne connaissent que la moitié de la formule. Évidemment, la règle, la two-man rule, qui est utilisée, entre autres, pour les affaires nucléaires dans les sous-marins, c'est que deux personnes doivent tourner la clé en même temps. C'est un peu le même processus. Par contre, la rumeur... Qu'est-ce que la rumeur veut? Ben, c'est vrai que seulement deux personnes connaissent la vraie formule, mais c'est pas la raison, c'est pas pour que si, mettons... une personne s'échappe, ben t'sais, on peut pas avoir la formule ou quelque chose du genre, c'est pas pour ça. En fait, c'est juste pour essayer de créer du hype autour de ça, créer comme un engouement pour dire, t'sais, Coca-Cola c'est tellement secret, nanana. Mais en même temps, même si une autre compagnie réussissait à trouver la formule, il y aurait jamais autant de succès parce que c'est le nom de Coca-Cola que les gens veulent, t'sais. Même si tu fais une liqueur qui est exactement pareil comme le Coke, t'sais, mettons, il y en a qui disent que RC Cola c'est pareil, mettons. Non, c'est pas pareil, mais, bref, mettons, c'est peut-être pas la meilleure recette. Clin d'œil. Ah, tu l'aimes pas, ça? Ici, c'est fou. T'aimes pas le RC Cola? Hein? Non, mais t'as pas compris, t'as rien compris. Non. Ici, c'est fou. Ici, c'est fou. Ah, c'est un jeu de mots sur le slogan. Non, j'ai pas caché ça. Bref, c'est un fait, c'était un fait, et puis ça continue d'être un fait, si c'est vrai. Hein? C'était pas super, Mathieu. Je pensais que c'était pire que ça, parce que t'avais l'air à vouloir dire que d'aime que c'était de l'air. Ben, c'est ça, c'était pas les meilleurs. Non, mais c'était pas super. Ouais, j'en avais une couple de meilleurs que ça, je trouve. Écoute, tu peux toujours en avoir des meilleurs, tu sais, ça a comme pas de limite là. On les fera un autre jour. Écoute, lundi ou demain. Demain, peut-être. Ah ouais, OK. Ça va faire. C'est un fait, sera de retour donc demain matin. Pour l'instant, par contre, nous, on continue en musique et après ça, on va revenir avec notre ami Kiwan en cavale. Surprise! Hein? T'es surpris là? Surprise! Mais Kiwan va nous appeler dans quelques minutes et on va lui parler. Ça va être malade. Oui, ok. Vas-y. Non, vas-y. Je vais te dire. Qu'est-ce que... Hors micro. Ah ouais? Oui. Tu me gardes des surprises? Ouais, juste pour toi. Ok, bon, c'est le fun ça. J'aime ça. Hein. Faut se taiser après tout ce temps-là. Là. Ouais. Après tout ce temps-là. Après, depuis le temps que t'animes cette émission-là, Mathieu, tu sais pas que les matériaux de qualité, c'est. On écoute Gwenwell, voici Périphérie, un vieux classique des palmarès, c'est fou. 89 ans. Hein? À tantôt. À tantôt. Après la pièce. À tantôt après. Tu t'en vas? Oui. Tu t'en vas faire quoi? OK. Bye. Gwenouelle et la pièce Périphérie à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. C'était une autre pièce des bons vieux palmarès de C'est fou qu'on ressort une fois de temps en temps, comme ça. Comme ça. Des vieux hits. Des vieux hits. Des hits. Quelqu'un qui connaît les hits et quelqu'un qui connaît les futurs hits surtout, parce qu'il vit dans le futur presque. C'est de là qu'on l'accueille. Voici Kiwan en cavale. Salut Kiwan! Salut! Oh, hey Kiwan! T'es en direct de où, toi, là? Présentement, je suis à Edmonton, et d'ailleurs, je sais pas si vous m'entendez bien, mais oh, je voulais vous dire que je suis au volant présentement, donc... T'as pas le droit? Ça se pourrait que je sois obligé d'interrompre l'appel subitement, parce que non, j'ai pas le droit là, d'être au volant, donc... Puis on veut pas voilà. Que tu décèdes aujourd'hui en direct à la radio, ce serait vraiment quelque chose de... Non, ça, non, vraiment pas. Fait que, fais attention! Ce serait spectaculaire, par exemple, pour votre émission. Là. Ouais. Quoi d'autre dans ta vie aujourd'hui? De quoi tu nous parles? En fait, ta vie ben en là, général. C'est ça. Je travaille présentement. Tu travailles où, là? Ça fait vraiment longtemps. Pardon? Tu travailles où, là? Je travaille pour une compagnie de transport qui s'appelle Bison Transport. C'est très cute. Bonjour à Et eux. Et puis, c'est ça, je travaille un peu partout en Alberta. Je suis dans la division intra-Alberta, donc je me promène là, dans toute la province et un peu à l'extérieur de la province. Et c'est ça, aujourd'hui, je suis à Edmonton, puis dernièrement, j'ai été souvent à Edmonton, puis je trouve que je veux pas te dire du mal d'Edmonton, je suis sûr que c'est une très belle ville, mais je commence à développer presque une peur contre cette ville-là. C'est vraiment pas très beau. Les milieux, en fait... Où je travaille, là, qui sont des milieux vraiment industriels. Tu sais, je sais que c'est pas beau, un parc industriel en général, là, sauf que ici, là, c'est particulièrement laid et épeurant. L'industrie principale, c'est vraiment l'industrie pétrolière. Là, puis l'industrie pétrolière, c'est pas juste laid au niveau environnemental et éthique, là, vraiment même visuellement, c'est vraiment pas beau, c'est sombre, c'est lugubre, je trouve, comme paysage, là, le milieu industriel ici. Puis, ouais, c'est ça, je suis là-dedans présentement. C'est le fun. Pour avoir été à Edmonton, là, j'ai remarqué, écoute, je sais pas si tu as remarqué ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de meurtres. Tu vois, ça me surprendrait pas tant non plus parce que, tu vois, c'est le feeling que j'avais de l'endroit ici. Ça a l'air dark, je trouve. Sérieusement, là, il y en a un. Moi, quand j'y étais, là, je pense qu'il y en avait un à tous les jours. Puis, j'écoute pas vraiment les nouvelles ici, là, mais écoute, ça se peut très bien. Ah oui, c'est vraiment... Et puis, c'est bizarrement fait, dans le sens que c'est la superficie est super grande. Tu sais, en fait, il n'y a pas vraiment rien en hauteur. C'est vraiment large, c'est loin, c'est... Oui, c'est vrai. La ville est très, très, très, très étendue. Toi, là, présentement, il faut que je traverse la ville. Là. Je reste à l'intérieur d'Edmonton. Mais j'ai comme peut-être 45 minutes de route à faire. Puis ouais, c'est vrai, c'est très très étendu. Mais une chose, par exemple, si on parle vraiment de villes et de transport, les villes ici, les grandes villes, Edmonton autant que Calgary, sont vraiment très très très bien faites. Il n'y a jamais de bouchons de circulation. Vous voyez là présentement, il est 7h, je suis sur une autoroute à Edmonton et ça roule. Il n'y a jamais, jamais de bouchons, ça n'arrête pas comparativement à Montréal, même Québec, même Trois-Rivières, je saurais plus de bouchons de circulation qu'à Edmonton. Ouais. Maintenant, ben, je sais qu'on n'a pas super gros de temps, donc on ne s'étalera pas sur le sujet des routes trop, par contre. Mais t'es allé voir un spectacle de Axis of Conversation, j'aimerais ça que tu m'en parles pour qu'on puisse en écouter après. Oui, ben en fait, tu vois, le samedi dernier, c'était une de mes très, très rares journées de congé parce qu'en fait, je travaille sur une horaire de 5-1, donc 5 jours de travail, une journée de congé. Ah. Et puis, entre mes deux premières semaines, j'ai pas pu avoir de congé à cause de problèmes techniques. Mais bref, c'était la première journée de congé en à peu près 14 jours samedi. Donc, j'étais euphorique à l'idée de pouvoir enfin faire quelque chose. Fait que je regardais les spectacles, puis qu'est-ce qu'il y avait de bon, qu'est-ce qui se passait de bon à Calgary samedi dernier. Et... premièrement, avant de vous dire ça, faut que je vous dise que je suis complètement déconnecté hein, de la réalité puis de l'actualité, surtout principalement de l'actualité musicale. Ma seule tout ce qui me garde en contact en fait avec l'actualité musicale, c'est vous, parce que j'écoute les balados de fusion, mais à peu près 3 semaines en retard. Donc, je suis vraiment, vraiment pas au courant. Ils sont souvent 3 semaines en retard sur le site, ne t'en fais pas. Je blague. Mais bref, c'est ça. J'étais juste même pas au courant que Winter Gloves avait sorti un nouvel album. Et c'est un groupe que j'aime beaucoup. J'ai appris ça. En fait, je l'ai appris la semaine dernière en vous écoutant. Vous en faisiez passer parce que vous en avez dans le talent reste, c'est quoi? Exact. Et donc, j'ai appris qu'il y avait un nouvel album. Et là, samedi dernier, je regarde les nouvelles culturelles à Calgary. Puis je me rends compte qu'il y a un spectacle de Winter Gloves à Calgary. Ah ouais? J'étais vraiment incroyablement heureux. Vraiment, là, euphorique, c'est le terme précis pour décrire mon état de samedi dernier. Donc, j'étais sûr que j'irais voir Winter Gloves. Fait que je me prépare, je vais voir le spectacle. Sur l'affiche à l'entrée, c'est bel et bien écrit Winter Gloves. Il y a un paquet de groupes en première partie. Donc, le premier groupe, c'était un très bon groupe. Ça s'appelait Bell Tower et ça me faisait penser beaucoup au groupe French Miami. Je sais pas si j'en ai déjà fait jouer, si je vous ai déjà fait écouter ce groupe-là. Ça mais me dit rien. C'est un son assez rock, mais quand même avec un son un peu rough, là, mais quand même mélodique. Et le groupe Bell Tower me faisait beaucoup penser à ça. C'était très bon. J'ai acheté leur EP, mais comme eux-mêmes me disaient, le EP est vraiment pas représentatif de ce qu'ils font présentement. Ils s'apprêtent à sortir leur premier album complet. Et puis même le son sur scène il ressemble vraiment pas là aux petits démos que j'ai achetés. Donc tout ça, j'ai décidé de pas vous en présenter. Et ensuite, il y avait le groupe Access in Conversation qu'on va entendre un peu plus tard dans quelques secondes ou surtout que je me tais. Oui. On va entendre la pièce Autumn in Juilliard de Access of Conversation. C'est un très bon groupe. Ils sont environ 7 sur scène. Il y a des cordes, il y a des guitares, des claviers. Ils sont quand même assez variés. Au bout de la ligne, je trouve que ça ressemble un peu à Rara Riot. Mais en spectacle, il y avait vraiment, vraiment plein de différentes. Des fois, c'était super progressif. Ça me faisait presque penser à du Tool. D'autres fois, c'était plus hip-hop un peu. Ils faisaient du mixage, du scratching avec leur voix. En tout cas, c'était très varié comme son, mais vous allez voir surtout la pièce que j'ai choisie, là, ressemble quand même pas mal à Rara Riot. Et donc, c'est ça tout ça pour en venir au fait que finalement, très rapidement, je pense que personne n'en a glissé un mot au cours du spectacle, jamais. À la fin, le spectacle s'est fini, pas de Winter Gloves. Hein? Là, j'étais super déçu. Je me dis, voyons, c'est quoi cette histoire-là? Il est marqué Winter Gloves en tête d'affiche sur le poster. Ouais. Je me dis, du coup, c'est juste le nom du spectacle, tu sais, amener vos gants d'hiver ou je sais pas. Tu sais, je m'informe auprès des employés là-bas, puis on dit, ah non, le Winter Gloves ont dû annuler leur spectacle et en fait toute la tournée dans l'Ouest canadien parce qu'apparemment le chanteur s'est blessé au dos. Ah, ou, c'était ça, pas, oui. J'ai pas eu le temps de fouiller plus, là, mais. Donc, là, c'est ça, ils ont comme essayé de camoufler ça, étant donné que c'est un groupe de Montréal. Ils se sont dit, on va bourrer plein de groupes de Calgary, puis on va essayer d'avoir du fun quand même. C'est un parti d'Halloween en même temps, donc ils ont comme essayé de pas trop en parler, je sais pas trop. Ouais. On va l'écouter. Ouais, ben c'est sûr, c'est décevant. On va aller écouter l'extrait. On doit se quitter, malheureusement, Kiwan. Désolé de te couper ça sec comme ça, mais le temps file, les nouvelles s'en viennent. On va écouter l'extrait et puis on te promet de le faire rejouer juste pour toi. Et puis on va mentionner que c'est toi qui nous l'a fait découvrir. Puis on va être super gentil avec toi. Mais on doit vraiment y aller, désolé. Et hey, puis. Je m'excuse d'avoir défoncé votre table. Ben non, ça va. Trop. Puis rappelle-nous, peut-être, écoute, demain ou la semaine prochaine. Oui, oui, oui. Quand tu veux. Ah, ben c'est bon, je vais essayer de faire ça le plus souvent possible. Merci, Kiwan. Ok. T'es fin, bye. On t'aime! Salut. On t'aime, Kiwan! Si vous étiez avec nous tantôt, justement, les nouvelles de Radio-Canada, on a fait ça super mal, c'était vraiment plate. On a coupé Kiwan en plein milieu de sa chronique, puis on va entendre la pièce dans quelques secondes à peine, je vais vous la présenter au complet. Nous, on va prendre le temps de dire au revoir à tout le monde, on va dire comme si c'était vraiment la fin de l'assemblage requis ici après les nouvelles, ça n'a aucun sens, mais c'est quand même ça. François-Olivier est là. Ben oui! Puis, qu'est-ce qui se passe sur les ondes de CIFO aujourd'hui? Il y a Connaître ensemble à partir de 10h. Oui, c'est ça. Suivi du dîner de con avec Danny Janvier. Et Charles-André Lambert, peut-être aussi. Oui, peut-être. Ça arrive. En après-midi, si vous avez raté des émissions cette semaine, ben, elles sont en rediffusion cet après-midi. Le Voyage essayé à 13h, l'Aspirale à 14h, une pêche en mission à 15h. Nous, on va être de retour demain matin à 7h. Qu'est-ce qu'il y a à l'émission demain, François? Demain matin, on reçoit Simon Fitzbé avec sa chronique Phénomène. On reçoit aussi François Landry avec sa chronique Logocratie 101. Et il y a C'est un fait. Tout à fait. Oui. Ah. Et puis, on appelle aussi une autre personne pour se faire laisser pousser la moustache. Et puis, je vais essayer de rejoindre l'initiateur du projet ici même à l'UQTR. Donc, j'aimerais ça s'il pouvait être présent ici. Celui qui a amené le mouvement Movember, si on veut. Oui, c'est ça, exactement. À l'UQTR, parce que c'est international, tout ça. International. Ah, on va avoir beaucoup de plaisir demain, autant qu'on en a eu aujourd'hui. Passe une très belle journée, François. À vous aussi, Mathieu Plante. Merci, et vous aussi, les requins. Donc, on se quitte vraiment pour vrai cette fois-ci avec la pièce Autumn in Juilliard de Axis of Conversation que Kiwan nous a conseillé. Passe une très belle journée. Bye. Bye. Knitted scarf.